بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, اليوم سنتدخل في الدرس الثاني وعشرين 22e leçon. La dernière fois nous avons fini, alhamdulillah, ce qui touche au bab al-iman billah. Que veut dire la foi en Allah? Qu'est-ce que cela inclut? Et aujourd'hui on rentre dans un nouveau bab, plutôt fasl, ou fasl al-iman bil malaika. Ce qui touche à la foi en les anges. Donc les questions qui seront relatives aux anges, et même il va parler des djinns et tout ce qui tourne autour de ce sujet. Parmi les choses de l'invité. قَالَ فِي سُوَالَ الثَّانِي عَشَى بَرْدِ الْمِئَى 112e question. مَاذَا يُسَمَّى الْإِمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْحَوْضِ وَالسِّرَاطِ وَالْجَمِيعِ الْأَشْيَى الَّتِي لَمْ نَرَهَا بِعْيُونِنَا. Donc comment nomme-t-on les choses, plutôt comment nomme-t-on la foi en les anges, en le paradis, le feu, le bassin, ainsi que le pont de l'enfer, et toutes les choses que nous ne voyons pas de nos yeux. قَالَ فِي جَوَابِ الْإِمَنُ بِالْغَيْبِ. Cela s'appelle les choses de l'invisible. وَالدَّلِيلُ قُولُ تَعَالَى الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ceux qui croient en l'invisible et qui s'acquittent de la salat, ou accomplissent la salat, et qui dépendent de ce que nous leur avons accordé. Al-Baqara, vache, verset 3. Donc l'iman bil ghaib, croire en l'invisible, est une chose qui est obligatoire. C'est obligatoire. Thumma qala fi as-su'al al-thalith 'ashar ba'd al-mi'a. 113e question. Mimma khuliqat al-mala'ika? De quoi ont été créés les anges? Qala min nur. Ils ont été créés à base de lumière. Et la preuve, c'est le hadith de Aïcha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: khuliqat al-mala'ika min nur. وَخُلِقَ الْجَانَ مِنْ مَالِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمْ مِمَّا وَصِفَ لَكُمْ. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que les anges ont été créés à partir de lumière, que le djinn ont été créés à partir de feu, et que les fils de Adam, les humains, ont été créés à partir de ce que vous savez, c'est-à-dire à partir d'argile, de terre. Hadith rapporté par Muslim. Après, il y a un khilaf, qui sont les meilleurs entre les anges et les hommes. Un long khilaf qu'on cite dans Al-Tahawiyya, car les anges ont été cités comme étant des créatures inégalables dans l'obéissance et dans l'adoration, et même dans la beauté. Donc de là, le relâme fait un tafsil, et ce qui en sort comme étant le plus probable, c'est que les anges sont meilleurs que les êtres humains en cette dunya, et que les hommes pieux, les humains parmi les pieux, sont meilleurs que les anges après la mort. Yom al-Qiyam. Car les anges, eux, ne seront pas rétribués de la rétribution des mukallafines qui ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il en est de même pour les djinns parmi les muslimines, les croyants. Donc cela, leur mérite, eux, apparaîtra après la mort. Mais en ce bas monde, cette dunya, les ulama voient que les anges ont plus de valeur, plutôt sont meilleurs, de plus haut rang, que les hommes. Et on parle en dehors des prophètes, bien évidemment. Après cette masala, il y a une divergence. Ce n'est pas une chose qui amène non plus à... C'est des avis qui diffèrent. Ce n'est pas un gros point, mais c'est une bébé faïda. Ce n'est pas une chose sur laquelle on base une aqida ou qu'il y a un égarement qui se fait ou autre que cela. C'est une masala, on va dire, j'étais à dire. Mais on la cite, bébé faïda. Thumma qala, man wa afdal malaika. Qui est le meilleur des anges? Soit le Rabbi Achar Badal Mia. 114e question. قال وجبريل عليه السلام جبريل والدليل قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. Donc Allah عز وجل dans le sens où il dit, il s'agit de la parole d'un messager noble, d'un noble messager, c'est-à-dire la révélation qui descend sur Mohammed, c'est celle d'Allah عز وجل, elle lui parvient par le biais de ce noble messager qui est doté d'une force redoutable auprès du trône, et qui est obéissant et loyal et fidèle. At-Takwir, verset 19 à 21. Et dans le hadith de Ibn Abbas, lorsque les Yahoud ont interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont demandé qui était son allié parmi les anges. Et il a dit: فَإِنَّ وَلِيَّ جِبْرِيل وَلَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيًّا قَتْ إِلَّا وَوَا وَلِيُّهُ. Il a dit que mon allié à moi c'est Jibril, et que Allah n'a jamais envoyé un messager sans que Jibril soit son allié. Et le hadith, apporté par Ahmed, a été authentifié par Cheikh Moukbil. Et ce hadith est la cause de la descente de la parole d'Allah. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْلِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Dans le sens où Allah dit, celui qui est ennemi de Jibril, sache que c'est lui qui t'a apporté la révélation avec la permission d'Allah, confirmant ce qu'ils avaient auparavant, c'est-à-dire par rapport aux Juifs, et une guidée et une bonne annonce pour les croyants. Car les Juifs ont déclaré Jibril comme étant leur ennemi. Dans le même hadith qu'on cite actuellement, sauf qu'il est plus long, une version plus longue, les Juifs disent que Jibril c'est leur ennemi. Donc celui qui est ennemi de Jibril est ennemi de la révélation. Donc c'est un mécréant. طيب بعد هذا قال في السؤال 16 بعد المئة من هو الذي شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم غسله بماء زمزم. Qui est celui qui a fondu la poitrine du messager صلى الله عليه وسلم et qui l'a lavé avec de l'eau de Zamzam? Et là c'est Jibril également. C'est Jibril également, comme dans le hadith qui est long, selon Anas ibn Malik, le hadith muttafaqun alayhi, avant l'ascension. D'accord ? Avant l'ascension, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est monté aux cieux et qu'il a vu les messagers, qu'il a vu le paradis, Jibril est venu le voir et il lui a fondu la poitrine. Il est venu avec un récipient d'or rempli de sagesse et de l'eau de Zamzam. Il lui a lavé la poitrine avec cette eau-là et avec de la foi également. Et après, ils sont venus avec le Burak et ils sont montés aux cieux. Naam. Et le hadith, il est long. ثم قال في السؤال السابع عشر بعد المئة من هو الروح الأمين. نعم نسيت السؤال الخامس عشر بعد المئة عفوا سؤال كذا question من هو الروح القدس qui est le souffle on va dire les traduits par le Saint Esprit. C'est ce que disent les chrétiens quand ils disent le Père, le Fils, le Saint Esprit. Le Père pour eux c'est Dieu comme ils le disent, le Fils c'est Jésus et le Saint Esprit c'est Jibril, il l'appelle Gabriel. Donc ils ont traduit Ruh al-Qudus par Saint-Esprit. Ça, c'est une traduction que, face à laquelle je reste perplexe. Car tout ce qui convient de ces gens-là, généralement, je crains qu'il n'ait derrière un sous-entendu au Allah Alam. Ruh al-Abel, c'est souffle. Et Qudus, c'est une chose qui est pure. Mais là, c'est une chose qui a été affiliée. C'est un souffle qui était affilié à une chose qui est pure. Allah Ta'ala Alam. Donc après, j'avais sauté la question. On revient à la 117e question. Qala man wa ruh al-amin. Qui est le souffle loyal, de confiance. وكذلك وجبريل, c'est Jibril. قال تعالى نزل بي الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. Dit, c'est le souffle de confiance, l'esprit de confiance, qui l'a fait descendre sur ton cœur pour que tu sois parmi les avertisseurs. Et par de la révélation. الشعراء, les poètes, versets 193 à 194. ثم قال في السؤال الثامن عشر بعد المئة 118 question من هو الذي نزل بالوحي على الأنبياء من الله عز وجل. Qui est celui qui est descendu avec la révélation provenant d'Allah عز وجل sur les prophètes? Et la réponse est la même, ça reste Jibril عليه السلام. Et la preuve c'est le verset précédent des poètes de la sourate des poètes et également le hadith d'Ibn Abbas qu'on citait au début lorsque les juifs ont interrogé le Nabi صلى الله عليه وسلم par rapport à Jibril. Ce sont les mêmes adillah. Donc là, c'était le début de ce fasl sur la foi en les anges. Et il a commencé par Jibril, car Jibril est le plus noble des anges, celui qui remplit la tâche la plus importante, qui est le fait de descendre la révélation. Naam. Fabizal Qad Naktafi, walhamdulillah.